Alors, je vais vous parler d'un aspect particulier. J'ai vu quelque part la question posée, la Lorraine dans la France, une province comme les autres. Alors, de mon point de vue, je vais répondre non. C'est une province qui a une particularité, parmi d'autres, c'est d'avoir des liens historiques et une mémoire commune avec un pays étranger. Alors, bon, il faudra bannir dans les esprits toute notion d'indépendantisme. Ça serait inexact. Car en fait, bon, la Lorraine des Ducs, c'était un État souverain. Il faut bien comprendre ça, un État souverain et pas une province française. En fait, les Lorrains sont plutôt souverainistes, c'est-à-dire garder leurs institutions. Et leur, comme il y a eu 7 siècles, une dynastie qui est aussi ancienne que celle des Capétiens, donc ça laisse des traces. Donc il n'y a jamais eu dans les sentiments lorrains l'attachement à la Lorraine d'indépendance, autant au sens où on l'entend maintenant, comme l'indépendance des Basques, des Bretons, des Flamands, que sais-je, ou des Corses. Alors voilà, nous sommes en 1766, à la mort du roi Stanislas, donc c'est là que commence notre étude, mais il faut se souvenir que quelques mois avant la mort de Stanislas est mort l'ancien duc de Lorraine, François III, qui était l'empereur François Ier du Saint-Empire. Alors on a évoqué cette période 1737-1766 où les Lorrains pouvaient être partagés dans leur cœur entre le nouveau roi Stanislas et le roi de France, qui était leur souverain légitime, et puis une fidélité à l'ancien duc, d'autant qu'il était vivant. Bon, en 1766, la Lorraine n'a plus de duc. Elle en avait eu deux, si vous voulez, duc Stanislas comme duc officiel et François III comme ancien duc, et toujours duc virtuel. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus de duc. Donc, normalement, les Lorrains doivent... Il y a aussi la disparition de la cour de Lunéville, car Stanislas a comment bien fait fructifier l'héritage des anciens ducs. Donc la cour de Lunéville était brillante. Tout ça disparaît. Donc, c'est vraiment un petit peu la mort de la Lorraine définitive. Et en principe, les Lorrains doivent tourner leur cœur entièrement vers le roi de France, leur unique souverain. Alors le comte de Sonville, dans son ouvrage sur la réunion de la Lorraine à la France, écrit « La politique n'est pas à ce point la maîtresse en ce monde qu'il lui soit donné de trancher sur le champ et comme par un coup de hache la vie même des nations ». Alors en effet, lorsque Stanislas meurt, lorsque François III meurt, la maison de Lorraine n'est pas morte. Alors je vous passe rapidement un schéma simplifié. La maison de Lorraine existe toujours. Alors vous avez les trois enfants subsistants du duc Léopold. François-Étienne est mort, mais il a sa femme Marie-Thérèse, qui est en fait la dernière duchesse de Lorraine. Elle a été duchesse de Lorraine et de Bar pendant quelques mois, mais c'est une des duchesses. Bon. Qui est donc, je vous lisais, elle est à la cour de Vienne. Le frère Charles-Alexandre, grand maître de l'ordre teutonique et gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, donc capitale Bruxelles, il est là, il a une cour, et la princesse Anne-Charlotte, toujours en 1766, l'histoire auparavant était très compliquée, est à Mons, où elle est abbesse dans un chapitre noble qui ressemble un petit peu à celui de Remiremont, si vous voulez. Voilà, et vous avez les deux fils, deux archiducs importants, donc Joseph, qui devient l'empereur Joseph II, empereur germanique, qui vit également à la cour de Vienne, et le frère Léopold, le futur Léopold II, qui est lui, on lui donne le grand-duché de Toscane. Et il va vivre à Florence. Donc voilà la maison de Lorraine, qui s'appelle toujours maison de Lorraine. On parle de la maison de Lorraine d'Autriche, jusqu'à la Révolution, jusqu'à 1804. Pardon. On ne parle jamais de Habsbourg à cette époque. Alors voilà, je vous passe quelques portraits pour mémoriser. Marie-Thérèse, veuve, c'est un portrait peint par Ducreux, un Lorrain, qui maintenant est à la cour de Versailles. Les deux fils, Joseph II, qui est donc empereur, et son frère Léopold, grand-duc de Toscane. Charles-Alexandre de Lorraine, en tenue de grand maître de l'ordre teutonique. Et la princesse Anne-Charlotte, qui est abbesse séculière de Mons. Voilà. Alors, il y a encore quelques liens avec l'Autriche, donc, ou tout le moins avec la maison de Lorraine, en 1766. C'est la cour de Lorraine, j'en avais parlé, cette cour de Lunéville, c'est la cour de Léopold et de François III, n'a pas été dissoute, elle a été dispersée pour justement entourer ces princes et ces princesses de la maison de Lorraine. Voilà. Donc il y a des petits noyaux. Alors attendez, hein, je vous parle d'un aspect particulier, il faut relativiser, hein, c'est pas toute l'histoire de la Lorraine, hein, loin de là. Mais il y a donc des noyaux de Lorrains, d'anciens serviteurs de la cour de Lunéville, et maintenant leurs descendants, leurs enfants, leurs neveux, leurs parents, qui entourent toujours ces princes. Donc il y en a à Vienne, il y en a à Bruxelles, il y en a à Florence, il y en a à Mons. Donc, et ces gens-là sont toujours en relation avec leur famille restée en Lorraine. Hein. Donc, c'est un... Il y a des pensionnaires, car à Nancy, on continue à payer les pensions des anciens serviteurs de Lunéville. Il s'agit bien des serviteurs de Léopold et de François III. Serviteurs, ils ont un petit peu le statut de nos fonctionnaires territoriaux maintenant, ils ont des pensions. Elles leur sont payées à Nancy jusqu'en 1792. Bon, ça fait encore une petite clientèle. Il est évident que ceux qui travaillent pour quelqu'un d'autre ne touchent plus leur pension. Il y a dans les armées de l'Empire, il y a des officiers lorrains avec des régiments qui ont des noms lorrains, donc des colonels propriétaires, puisque c'est le système ancien régime, qui sont des lorrains. Vous avez par exemple ici le régiment de Saint-Ignan et le régiment du duc Charles de Lorraine. Donc là, il y a aussi une tradition de service dans l'armée autrichienne. Et ceci, il faut reconnaître, n'est pas un acte de désobéissance, puisque depuis 1756, la France et l'Autriche sont alliées. Donc les Lorrains vont servir indifféremment le roi de France ou l'empereur. Hein, mais il est certain qu'il y a des clivages dans certaines familles, et certains préfèrent servir l'empereur, parce que l'empereur, et on va le voir, c'est le descendant des ducs de Lorraine. Donc ça aussi, c'est tout un petit monde de Lorrains. Et puis nous avons à Nancy la chapelle des Cordeliers. Alors on peut la comparer au Saint-Denis pour la France, hein, et la chapelle, l'église en train de Bon Secours, hein, qui sera à ce moment-là les Invalides, hein, d'une échelle différente. Mais ce sont deux symboles de l'ancienne souveraineté lorraine, de l'esprit lorrain, et donc ça, les Lorrains sont attachés. Ah, ça, ici, ce sont des drapeaux qui ont été pris justement sur les Turcs par des princes lorrains. Bien, alors, il y a d'autres liens, puisque les souverains étrangers ou les princes passent à Nancy, en particulier à la chapelle des Cordeliers. C'est d'abord Marie-Antoinette qui passe le 9 mai 1770 lorsqu'elle va se marier avec le dauphin. L'archiduc Maximilien, c'est le. Alors, voici Marie-Antoinette. À 15 ans, à l'âge où elle va venir épouser le roi de France, enfin le dauphin. Hein, et puis alors un petit dessin apocryphe là, qui montre, vous voyez, la tristesse de sa mère. C'est, bien sûr, c'est apocryphe, mais ça montre que ce départ est tragique, hein, comme il le sera. Bon, l'archiduc Maximilien, qui est allé en visite à Versailles, en fait, il va voir sa sœur, car il y a un grave problème à l'époque, c'est que le roi de France n'a pas de descendance encore. Et Marie-Thérèse est très inquiète. Parce que je n'oublie pas que Marie-Thérèse est l'artisan de ce traité d'alliance entre la France et l'Autriche. Et si la monarchie française n'a pas d'héritier, ça peut remettre en cause l'équilibre en Europe. Hein. Donc elle est très, très soucieuse que sa fille donne une descendance au roi de France. Et comme ça n'a pas marché, c'est Joseph II, déjà empereur, qui se rend à Versailles en 1777 et qui s'arrête à Nancy. Voilà. Donc c'est Joseph II qui a apparemment fait la leçon définitive à Louis XVI, qui lui a donné la recette. Joseph II, lui, n'a pas eu d'enfant. Hein. Trois mariages, pas d'enfant. Voilà, alors on arrive rapidement à la Révolution. Donc lorsque la Révolution éclate... voilà, alors, désolé, je vous repasse la carte que vous avez vue. Hein. La Lorraine, ou l'espace historique lorrain, est très disparate, très complexe. Il y a même des enclaves, des principautés qui sont libres, qui relèvent directement de l'Empire, en particulier donc, sur le territoire de l'actuelle Moselle. Hein, vous connaissez bien ici la principauté de Salm, mais enfin, il y a Saint-Verdun, il y en a d'autres, je vous laisse lire. Ce sont donc des princes ou des seigneurs qui ne dépendent que du Saint-Empire, ne dépendent de personne. Donc la carte du futur département de la Moselle est très compliquée au départ. Hein. Alors, c'est la fin de l'espace historique lorrain tel qu'on le connaît. On a taillé, non pas à la louche, mais à coup de serpe, hein, pour tailler ces quatre départements. Il faut noter au passage que la Moselle, les Mosellans n'en ont pas toujours conscience, mais la Moselle est un département dont la majorité du territoire relevait du duché. Hein, parfois, les Mosellans disent qu'on n'a rien à voir avec les ducs de Lorraine, c'est faux. Hein. Bon. Alors, voilà donc ce que devient la Lorraine. Et lorsque l'Assemblée déclare la guerre au roi de Bohême de Hongrie, c'est l'expression, comme ça qu'on désigne l'empereur, eh bien, les liens qui unissent la Lorraine et l'Autriche ne sont pas rompus. Alors, je vous l'ai dit, il existe encore des pensionnaires de l'empereur, des anciens serviteurs de la cour de Lunéville. Il y a des Lorrains qui sont toujours dans les pays héréditaires et les possessions de la maison du Habsbourg, en Autriche, en Bohême, en Hongrie, Pays-Bas autrichiens, Lombardie, Toscane. Il y a parmi eux des fonctionnaires impériaux, des chambellans, des dignitaires de la cour, des dames de la cour, des généraux, des colonels. Entre 1766 et 1790, il n'y a pas moins de 34 généraux dans l'armée autrichienne qui sont des Lorrains. Et il y a des centaines d'officiers. Hein, et il y a 11 régiments qui ont des colonels Lorrains. Donc vous voyez, c'est quand même un détail important. Hein. Et par exemple, vous avez un officier qui s'appelle Victor Chaudelot. Il écrit dans ses mémoires, ça c'est important, « Je ne croyais point d'ailleurs en servant, je vous passe un général Ferraris, c'est le fils de celui qui a fait construire l'hôtel de Ferraris à Nancy. Bon, Chaudelot dit « Je ne croyais point d'ailleurs en servant l'Autriche de servir l'étranger en ce que son souverain était descendant de François, dernier duc de Lorraine, mon souverain légitime. » Et ça illustre parfaitement l'état d'esprit de certains Lorrains de l'époque. Hein, et on peut ajouter ce que écrit aussi le baron de Vincent, on en reparlera, c'est un personnage un peu symbolique, je veux dire. « Mon père m'avait destiné dès ma naissance à servir la maison d'Autriche. Il m'avait inculqué pour ses souverains les sentiments d'attachement qui lui ont été transmis. » Alors, on imagine que lorsque se déclenche l'immigration, c'est un phénomène là aussi minoritaire, bien sûr, mais les Lorrains qui veulent émigrer, tout naturellement, vont vers l'Autriche. C'est naturel, d'autant plus que l'Autriche commence à Longwy, à l'époque. Alors ça explique aussi ce mouvement vers l'Autriche. Certains d'ailleurs rejoignent une partie de leur famille qui est déjà établie depuis 50 ans, voire 100 ans. L'évêque de Nancy, par exemple, Monseigneur de la Fare, va se réfugier à Nancy. Et on va trouver plus d'une soixantaine de prêtres du diocèse de Nancy en Autriche, à Vienne et dans les environs. Alors que, par exemple, en Meuse, ce n'est pas le cas. En Meuse, les prêtres ont choisi l'insoumission et on en trouve 132 sur les pontons de Rochefort. Mais donc, là aussi, un petit tropisme, si on peut dire, vers l'Autriche qui se manifeste. Alors, il y a un petit épisode, c'est lorsque Napoléon épouse Marie-Louise. Alors, Marie-Louise passe à Nancy, elle fait exactement comme a fait Marie-Antoinette. Elle passe à Nancy le 25 mars 1810. Alors, il y a des festivités, des arcs de triomphe, et sur un arc de triomphe, il est écrit ceci. Oui, c'est intéressant. « Fille de Léopold ». Alors, ici, elle n'est pas fille de Léopold II, elle est petite-fille de Léopold II, mais on fait allusion au duc Léopold. C'est fille au sens générique. Hâte-toi de paraître, voix d'un double transport, tous nos cœurs s'enflammer, citoyens et soldats, nous promettons tous d'être français pour te défendre et lorrains pour t'aimer. Vous trouvez là un peu la double identité, double fidélité qui coexiste, je veux dire, naturellement. Hein. Donc on est content de saluer en Marie-Louise, une descendante des ducs de Lorraine, hein, tout en montrant bien qu'on reste fidèle à Napoléon. Hein. Alors, le souvenir de l'ancienne dynastie n'est quand même pas éteint. Donc, on en a fait allusion. En avril 1814, un groupe de nobles lorrains vont trouver le préfet de Louis XVIII pour lui demander qu'on entame des négociations par l'entremise du tsar Alexandre pour que la Lorraine soit rendue aux descendants de ses ducs. Mais vous savez très bien que la déclaration de Brunswick ne vise qu'à restaurer la France telle qu'elle était avant la Révolution, et non pas du tout de s'immiscer dans les affaires intérieures. Donc, si vous voulez, ce vœu est resté tout à fait pieux, hein, et des oubliettes. Bon, ça, c'est pour montrer que le sentiment, le souvenir de l'ancien, l'ancien duché, l'ancienne souveraineté, n'est pas mort. Bon, l'empereur François Ier passe au palais du gouvernement. Il y passe une nuit, en juillet 1814, et il y réside quelques jours en 1815, hein, après les 100 jours. Bon, il ne peut que constater que la chapelle des Cordeliers et les tombeaux de ses ancêtres ont été vandalisés. Hein. Et puis, il y a également, pour mentionner, c'est que le dernier des princes lorrains, qui appartient à la branche française, cette fois-ci, donc un descendant des Guises, qui est connu sous le nom de prince de Lambesque, hein, vit à Vienne. C'est le dernier représentant de la maison de Lorraine, vivant. On l'appelle là-bas prince de Lorraine. Bon, il meurt à Vienne en 1825. Voilà. Donc après l'abdication de Napoléon, après les 100 jours, tous les Lorrains qui étaient partis pour de diverses raisons, certains sont rentrés en 1801, au fur et à mesure qu'il y a des lois d'amnistie, en 1810 aussi, et d'autres, ceux qui sont parvenus à ces dates-là, ne reviennent pas. Ils restent en Autriche. Et certains vont y jouer un grand rôle dans la politique qu'on appelle le système Metternich. Alors, c'est étonnant. Alors, le baron de Vincent, bien connu, le baron de Vincent est né à Florence. Son père était officier dans la garde ducale, donc il est parti à Florence en 1737. Il est né à Florence. Il est revenu, son père est revenu à Nancy. Et Vincent n'a pas voulu servir le roi de France, et il a été pris comme officier dans l'armée autrichienne. C'est-à-dire qu'à la Révolution, il est officier autrichien. Alors il reste très fidèle, il a refusé de revenir, Napoléon lui a fait des avances à plusieurs reprises. Hein. Il est allé jusqu'à Waterloo. Bon, à Waterloo, il n'y avait pas de troupes autrichiennes, mais il représentait l'empereur. Hein. Donc, il est en uniforme autrichien. Il a même été blessé, puisqu'il a ce pansement qui figure sur le portrait, dont il était très fier. Après, le baron de Vincent est ambassadeur d'Autriche à Paris. Et c'est le baron de Vincent qui représente l'empereur lorsque l'on restaure, qu'on remet les cendres des ducs de Lorraine à la chapelle des Cordeliers. Hein, à titre donc autrichien. Donc le baron de Vincent ne reviendra en Lorraine que dans les dernières années de sa vie. Hein, il va mourir sur ses terres à Biencourt. On a, ce sont que des exemples, le baron de Frimont c'est une famille de Gondreville. Alors lui aussi a fait une belle carrière dans l'armée autrichienne, avant la Révolution, hein, il s'est engagé. Lui, alors il a été engagé beaucoup en Italie pour réprimer tous les mouvements, un petit peu tous les soulèvements qu'il y a eu après l'écoulement du système Napoléon, hein, un peu partout. Donc il a réprimé des meutes à Naples, en Lombardie, en Vénitie, etc. Vous avez Emmanuel de Münsterpouilly. Alors lui était à l'âge de 15 ans à Valmy, avec son père, mais côté prussien et autrichien. Il est resté. Il a fait une belle carrière aussi. Bon, là, il est déjà âgé. Il a la particularité d'avoir épousé une princesse de Saxe-Cobourg, qui est la propre sœur du premier roi des Belges, Léopold Ier. Ce qui fait que cette famille cousine avec toutes les têtes couronnées d'Europe au XIXe siècle et au début du XXe. Donc, un rôle éminent. Hein. Bon, il a été également ministre de la Défense sous François-Joseph. Vous avez Louis de Ficalmont. Ficalmont, c'est un nom qui vient du Pays Haut. Hein. Engagé au Royal Allemand à l'âge de 15 ans. Louis aussi était général, était ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg. Et il est chancelier en 1848. C'est-à-dire lorsque la Révolution éclate à Vienne, il est chancelier. Bon, il a été obligé de démissionner rapidement, hein, et de se mettre à l'abri. Il a un cousin, un Bailly-Latour, qui, lui, a été pendu, cousin germain, hein, par la mère. été pendu par les émeutiers. Donc voilà des personnages qui sont qui se disent toujours lorrains, si vous voulez, hein, et qui servent donc la monarchie autrichienne. Alors, on a un phénomène, après, on l'a aussi un petit peu évoqué, c'est le légitimisme en France. Donc, c'est à l'avènement de Louis-Philippe, il y a toute une partie de royalistes, marchistes, qui ne veulent pas se rallier à Louis-Philippe, qui refusent de lui prêter serment. Alors, certains sont exclus de Saint-Cyr, d'autres se retirent à la campagne, donc ce mouvement légitimiste est connu. Mais il a une couleur particulière pour la Lorraine, parce que le comte de Chambord et vit en Autriche, à Frohsdorf. Alors, pour les légitimistes lorrains, ils ont d'abord le comte de Chambord, qu'ils considèrent comme le souverain légitime, et en plus, l'Autriche, où l'empereur est le descendant des ducs de Lorraine. On a une, si vous voulez, un attachement, un légitimisme gigogne, si vous voulez. C'est un mouvement particulier. Il y a un étudiant qui avait commencé à étudier ça, Cédric Spagnoli, je crois. Bon, donc c'est... Là aussi, alors on voit fréquemment des bijoux où on mêle les fleurs de lys et les croix de Lorraine. Ce sont ces bijoux légitimistes. Il y a encore pas mal dans l'ancien. En plus, l'Autriche, à l'époque, représente aussi le catholicisme traditionnel et ultramontain. Donc là aussi, dans les mouvements légitimistes, il y a à la fois l'attachement monarchique et l'attachement au catholicisme traditionnel. Donc vous voyez que pour les Lorrains légitimistes, ben l'Autriche est encore une fois le réceptacle. Alors on a des familles, comme ça, la famille de Bombel, c'est une famille d'origine française, mais qui est arrivée à Metz par le service du roi de France. On trouve un Henri de Bombel, celui qui est à gauche, qui se retrouve éducateur du jeune François-Joseph. François-Joseph est assis sur la table à gauche. Il a un précepteur italien, un précepteur français, Bombel, il suit un cours d'éducation religieuse sous la présence de l'archiduchesse Marie-Sophie. Et à l'époque, l'ennemi, c'est le libéralisme. Donc il faut éduquer François-Joseph bien correctement, qui n'ait pas de mauvaises idées, ne soit pas contaminé par le libéralisme ou tout ce qui a été semé pendant les années précédentes. Donc Bombel, un légitimiste français, ça fait l'affaire. Alors Bombel est revenu de Versailles. Il a quitté Versailles. Il n'a pas voulu rester donc au service de Louis-Philippe. Charles de Bombel, son frère, alors c'est un peu anecdotique, il sera le chambellan de l'impératrice Marie-Louise lorsqu'elle est veuve. Donc il succédera à Neipperg. Donc il succède à Neipperg dans tous les aspects du terme, puisqu'il est le troisième mari de Marie-Louise. Un autre, Pimodan qui est chassé de Saint-Cyr parce qu'il refuse de prêter serment. Alors lui aussi va s'engager dans l'armée autrichienne. Il est aide de camp de Radetzky. Alors Radetzky, c'est la répression des soulèvements en Italie, c'est 49, donc vous voyez dans quel milieu on est. Et il sera également parmi les derniers défenseurs du pape à Castelfidardo, là où il sera tué d'ailleurs. Donc un engagement. Gondrecourt, un général de Gondrecourt, connu pour sa dureté, sa sévérité, qui devient l'éducateur de l'archiduc Rodolphe. Alors François-Joseph a été élevé à la dure, il pense que c'était bien, donc il veut que son fils soit élevé pareil. Donc là, quand on lit maintenant, ça nous paraît d'une brutalité inouïe. Un gamin de 7 ans qu'on réveille le matin à 5 heures du matin en tirant des coups de fusil, qui fait des exercices par tout temps, etc. etc. On voit le résultat que ça a donné. Voilà. Mais enfin, voilà, c'est anecdotique, mais c'est quand même intéressant de le signaler au plan de Lorraine. Alors on a parlé du régionalisme aussi, alors ce mouvement régionaliste qui naît à Nancy, qui est à la fois un mouvement favorable à la décentralisation. C'est pas l'indépendance. On veut décentraliser un petit peu. La France est un État très centralisé. Et puis, évidemment, ça s'appuie sur les anciennes libertés de la Lorraine. Le baron Guerrier de Dumas, par exemple, déclare que les départements sont nés esclaves. Donc il fait allusion à la Révolution, à cette départementalisation qui était brutale. et que seule la région peut redonner des libertés aux gens. Donc, c'est un mouvement, je vous dis, donc de décentralisation, hein, et évidemment, on va s'appuyer sur le souvenir des anciens ducs. C'est l'époque aussi, en 1848, un nouveau lieu emblématique apparaît, c'est le palais ducal et son musée historique lorrain. Alors, créé par ces gens des mouvements à la fois de décentralisation, lotharingiens, monarchistes aussi pour certains. Et les statues à l'époque du musée lorrain, c'est-à-dire Madame Mouton, destinées à conserver avec un religieux respect le culte des anciens souvenirs. Il n'y a pas là-bas l'ombre d'indépendantisme. Voilà, donc on est sous le règne de François Joseph, et François Joseph, comme ses prédécesseurs, participe au maintien de la tradition ducale. N'oublions pas que dans la titulature des empereurs, le titre de duc de Lorraine arrive en quatrième position. Alors ils ont repris le titre empereur héréditaire d'Autriche, puisqu'on a supprimé le Saint-Empire, roi de Jérusalem, alors ça vient du duc Léopold, roi de Jérusalem, et ensuite duc de Lorraine. Et après, ils ont tous les titres qu'avaient les ducs de Lorraine. Comte de Blamont, etc. Zutphen, Gueldre, etc. Bon, donc les empereurs d'Autriche conservent la mémoire du duché de Lorraine. Ils font également les visites. L'archiduc Maximilien, qui est un frère de François-Joseph, passe le 15 mai 1856. Alors toujours pareil, visite du palais ducal, de la chapelle des Cordeliers et de Bonsecours. L'empereur François-Joseph, en 1867, alors cette visite à Nancy est jumelée avec l'exposition internationale de Paris. Alors là, il vient avec ses deux frères, deux archiducs, dont Maximilien, qui sera l'infortuné empereur du Mexique. Alors, il y a toute une série de gravures, je ne vous en mettrai qu'une, mais même scénario, l'accueil au palais du gouvernement, l'entrée au palais lorrain, on entre par la porterie, Notre-Dame de Bonsecours, et la chapelle et la crypte. On descend. Donc vous voyez, c'est François-Joseph qui également contribue, vous le savez, à embellir l'église Saint-Èvre. Il verse également une somme importante pour relever 100 000 francs de l'époque pour relever le palais ducal après l'incendie de 1871. Donc vous voyez, ces liens continuent entre la Lorraine et l'Autriche. Bon. Alors après la défaite de 1870, alors ça change un petit peu, et l'annexion d'une partie du territoire, la Lorraine devient un bastion de l'Est face à l'Allemagne. Et on y mêle, dans une même hostilité, l'Autriche-Hongrie, qui est alliée de l'empereur. Vous voyez que dans les caricatures, à droite de l'empereur allemand, il y a François-Joseph. Plus les Italiens, qui à l'époque sont plutôt du côté allemand et autrichien. Alors, si vous voulez, ça crée un petit peu une hostilité vis-à-vis de l'Autriche. Contre le comte Jean de Pange. Alors, Jean de Pange, on en a parlé, je crois, dans un exposé. Son père a été attaché militaire à Vienne. Donc, Jean de Pange, jeune, a vécu à Vienne. Et Jean de Pange écrit « Pour un Lorrain ». Parler de l'Autriche, c'est parler de sa seconde patrie. Alors évidemment, à l'époque, c'est mal compris, tout le monde ne partage pas mais on fait bien allusion, si vous voulez, à ce que j'appelle le souvenir, la mémoire partagée de certaines communautés d'une partie de l'histoire entre l'Autriche et la Lorraine. Voilà. Et enfin, j'arrive à 1918, c'est la fin de la monarchie austro-hongroise. Alors, vous voyez là, ici, ce sont des petites armoiries de l'empereur d'Autriche. Vous voyez que les armes ducales de Lorraine figurent en bonne place. Vous avez au milieu l'Autriche. Alors, ce sont des armoiries modernes qui ne sont apparues qu'au XIXe siècle. Parce que vous avez à gauche le lion, c'est le lion du comté de Habsbourg. Dans la titulature des empereurs d'Autriche, qui fait au moins 40 lignes, le comté de Habsbourg est quasiment à l'avant-dernière ligne. Donc ce n'est pas significatif. Ils sont d'abord archiducs d'Autriche, donc ces armes au milieu. Mais on a ressorti ce comté de Habsbourg, donc je le dis, au XIXe siècle, Hein, probablement qu'il s'agit là de montrer que l'ancienneté et surtout la germanité de la maison d'Autriche, hein, qu'elle est bien allemande, bien germaine, hein, car c'est la rivalité avec la maison de Hohenzollern. Bon, toujours est-il que ces armoiries de Lorraine, ces trois alérions, font partie des emblèmes officiels de l'Autriche gris, et qu'en 1918, elles disparaissent. Hein. Donc c'est un petit peu comme une seconde disparition du duc de Lorraine. Le dernier duc de Lorraine officiel, c'était Charles Ier d'Autriche, qui portait dans sa titulature, et cette fois-ci, le terme de duc de Lorraine disparaît totalement, hein, enfin de ce qui est officiel. Hein, c'est un petit peu la fin de l'histoire pour la Lorraine. Voilà. Alors, évidemment, ces deux guerres mondiales creusent le fossé, hein, d'autant qu'on assimile un petit peu l'Autriche à l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que la Seconde Guerre mondiale, les Autrichiens annexés avec l'Anschluss étaient sous uniforme allemand, hein, et qu'évidemment, tout ça, on mêle tout ça. Et on oublie un petit peu, la Lorraine n'ose plus trop parler, de leur lien ancien avec l'Autriche. C'est un peu tabou, malvenu. Et alors, ce qu'on ignore un petit peu, c'est que le fils de Charles Ier, de l'empereur déchu, Otto d'Habsbourg, est un ennemi à lutter, à passer sa vie, à lutter contre le nazisme, contre Hitler, hein, à tel point que lorsque les Allemands envahissent l'Autriche, ils lancent un mandat d'arrêt contre Otto d'Habsbourg. Il est condamné à mort, hein, alors que c'est le journal du parti. Là, vous voyez donc cet extrait, hein, où on le traite de rejeton dégénéré d'Habsbourg, criminel fugitif, et on explique après les circonstances de sa haute trahison. Donc, Otto d'Habsbourg est un ennemi d'Hitler, un opposant. Hein, un opposant. Alors, néanmoins, quand il vient, alors c'est ça, c'est un événement, c'est un petit peu un retour de l'histoire, c'est quand il revient se marier à Nancy en 1951. Donc là, c'est un petit peu la surprise, la stupeur, mais alors, ce mariage est un grand événement, hein, pour les Nancéiens. Et puis, on commence à connaître un petit peu la maison d'Autriche, à en reparler, en bien. On voit bien que la maison d'Autriche, c'est pas la même chose que la Prusse ou qu'Hitler, hein. Il y a quand même des nuances. On admire, d'ailleurs, on voit Otto d'Habsbourg, qui est par ailleurs député européen, hein, défend l'idée européenne, défend la réconciliation entre l'Est et l'Ouest. Donc il aura au moins la satisfaction d'avoir vu s'écrouler le mur de Berlin. Voilà. Et lors de ces passages à Nancy, alors on va faire allusion aussi à ces noces d'or, hein, en 2001, c'est là où on l'a vu pratiquement, Nancy l'a vu de manière aussi longue pour la dernière fois. Il ne manquait jamais de rappeler qu'il était Lorrain. Hein, il a dit « Pourquoi je vais à Nancy ?»« Parce que je suis Lorrain. » Donc c'était bien, il montrait bien qu'il avait maintenu la tradition lorraine, hein, jusqu'à... Et que c'était toujours les descendants des ducs de Lorraine qui maintenaient la mémoire historique de la Lorraine. Et il signait, quand il écrivait, il signait volontiers Otto de Habsbourg Lorraine. Il avait rajouté, parfois même, des lettres, il signe Otto de Lorraine Habsbourg, pour nous, par courtoisie, pour nous, pour bien montrer qu'il se considère comme un Lorrain. Donc, il nous montre que le souvenir des ducs, des anciens ducs, est resté présent dans la mémoire à Vienne, hein, en Autriche, et il nous invite, nous, à nous en souvenir également. Et ceci, toujours, n'est pas... On peut être fier de notre identité lorraine. Ce n'est pas contre la France, ce n'est pas contre l'Europe. C'est simplement... Nous avons cette particularité de cumuler plusieurs héritages. En fait, nous avons trois héritages historiques, culturels, ce qui est la Lorraine, la France et l'Europe. Et je trouve remarquable, d'ailleurs, ça a beaucoup de sens. Ailleurs, ça aurait peut-être moins de sens, mais ça a beaucoup de sens à Nancy. J'aime beaucoup de voir ces trois drapeaux qui nous rappellent notre triple identité. Et donc, voilà où je vais donc arriver. Hein. Et quand Otto d'Habsbourg est mort, le maire de Nancy a eu la courtoisie, mais je crois que ce geste est très symbolique, d'avoir mis en berne le drapeau lorrain et le drapeau européen. Voilà.